Ici Maxime Tremblay du site épéelégendaire.com. Vous êtes des accros des jeux? Parfait! Car Big Ben, Antithèse Rétro Gamer, PQ et Marilune sont là juste pour vous ce soir. Bienvenue dans le podcast des accros des jeux! On est le podcast du 6 mai 2013. On embarque ça dans 5 secondes. Salut les accros, c'est le Big Ben. Et Antithèse. Rétro Gamer PQ. C'est mon Q. C'est ça. Ben oui, reviewer CE de retour, apparemment. Le grand retour de CE à notre podcast. Il faisait un bout qu'on t'avait pas entendu et ta voix mielleuse. Ah, oh, merci. Mais c'est tout est dû à l'école. C'est la loi de la démocratie. Tout le monde est disponible le lundi. Moi, c'était les cours. Alors, je vous ai laissé vous amuser entre vous. Et maintenant, je suis de retour. Dès que j'ai un lundi libre avec vous, ben je le passe à eux. Okay? Ah, pas de problème. Ça va nous faire plaisir de t'accueillir et d'entendre tes opinions sur certains sujets qu'on va discuter au courant des prochains podcasts. Salut, Kirby. Oui, en passant, notre Retro Gamer PQ vous présente un Kirby. On va nous en faire dans pas long en pixels en passant. Pour le podcast des accros, on est l'édition du 6 mai 2013. On va jouer à Sega Genesis beaucoup plus tard. Mais entre-temps, on va prendre le temps de jaser avec tout le monde. Remercier le monde en même temps qui sont sur le chat live en direct sur YouTube et sur Twitter. Mais je vais d'abord demander à la gang comment ils vont. Fait que je vais commencer avec Antithèse. Comment tu vas, toi? Ok, Yoshi. Je te donne un plaisir heureux. Ah oui? J'ai l'air même entendu ça, mais j'espère pouvoir dire ça plus dans le futur. Ben, c'est très bien. Pourquoi? T'es en vacances. Parce que t'es devenu arbitre? Après deux ans et demi, ben je suis enfin en vacances. Wouhou! Et à force de quand tu travailles avec des clients de 6 jours, des fois 7 jours semaine, là, pendant 2 ans de temps, t'attends encore les enfants. Fait que t'as des beaux t'as des belles choses à planifier au courant de tes vacances? Oui, réarranger mon appartement, faire mon ménage de printemps. Mm-hmm. Je pense que je suis aussi faire quelque chose avec un certain accro qui veut qu'on fasse ensemble sur une review. Ouais, on va regarder ça. Mais nous, moi, comme je t'ai dit, là, on prend ça d'abord pour toi. On va prendre du temps pour s'amuser, c'est sûr. Oui. Oui, papa. Sinon, toi, Sylvain, de ton côté, quoi de neuf? Mais ça va bien! Ouais? Qu'est-ce qui se passe de bon? Rien! À rien? À rien! Ça fait-tu du bien? Oui! Tant mieux! Cool! Je sais pas quoi te dire! Je sais pas quoi te dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis la semaine dernière? Écoute, j'ai eu mon Famicom. Oui, c'est ça, t'as reçu ton Famicom, ton jasé, il y a peut-être quoi, 2 podcasts de ça. Ouais. Comment tu le trouves en ce moment? Ben là, il est tranquille parce qu'il marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh ben, gadon! Ben, c'est du vieux ARF de marde, pis avec une nouvelle TV, ça a de la misère à marcher. Pis je sais pas si j'ai le power supply nécessaire pour, fait que je sais pas s'il est sauté, fait que faut que je le check. S'il fonctionne encore, va falloir que je le modifie pour prendre du AV. Il modifie pour rajouter un LED, il modifie pour rajouter une manette en avant. Fait que tu vas travailler fort pour avoir faire fonctionner ta Famicom finalement. Oui, pas mal. Toi, c'est là de ton côté, vu qu'on t'a pas beaucoup entendu ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe de bon? Ben là, c'est l'école qui est finie il y a très peu de temps. J'ai fini le 19 avril, à vrai dire. Ok. Et mes examens étaient finis, nanana. Mon certificat d'espagnol arrive. Et je suis un esclave à la job, quasiment. Je suis partout et tout le temps là-bas, quasiment. Oh! Tu es Batman. C'est toi Batman. T'es partout et nulle part. Ce soir la nuit. C'était soit ça où il allait travailler dans un champ de cultivateur, là, fait que... Cueillir des fraises, là. Ah, oh, c'est le fun, quand on sonne le casseau, là. Ouais, tu vas devenir un roi en allant au Mexique une fois. Moi, de mon côté, ça va bien. Moi aussi, je tombe en vacances, alors il y a des... je prends du temps pour moi, mais également, je vais préparer bientôt des critiques. J'ai déjà 3 critiques en tête pour cette semaine, fait que ça va faire énormément de travail. Mais ça va bien se passer. À quoi vous jouez ces derniers temps? Je vais commencer avec CE. Qu'est-ce que tu joues ces temps-ci, toi? Ces temps-ci, j'ai acheté le nouveau Luigi sur 3DS. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est décevant à date, là. Ouf. Ah ouais? Ouais, c'est... J'aurais dû plus suivre la formule du GameCube que tu es dans une grosse mansion pis plein de trucs à faire dedans, mais là ça marche comme par niveau, par mission. Tu peux accepter, accéder à certains endroits parce que tu es dans telle mission. Pis, c'est un peu redondant de passer tout le temps à la même place pour des niaiseries. Là. Ok. Sinon, Dragon's Dogma, que j'aime bien à date, c'est pas pire. C'est quel genre de jeu ça? RPG style comme c'est un peu un Skyrim plus je dirais plus petit quand même. Skyrim ça semble être beaucoup plus gros, c'est assez huge, pas mal Skyrim, plus huge, mais tu sais c'est quand même un gros monde, t'as des quêtes à faire, t'es comme le chef d'une team, t'as reçu un sortilège par un dragon pis faut que tu trouves ce dragon là pour y faire sa peau pis, ils sont avec toi pour t'aider, t'es leur maître. Ok. Toi, Titeuse, de ton côté, quand tu joues ces derniers temps? No More Heroes, j'ai joué à Soul of Darkness, Soul of Darkness, le jeu qui est sur 3DS, là? Ouais, le petit jeu sur 3DS, là, le, mais que tu peux aussi sur DS, tu peux télécharger. Ouais, c'est un petit game de ça, perdre mon temps. T'as vraiment perdu ton temps pour ça. Beaucoup de PlayStation 2 à venir. Je parle de Hulk, je parle de No More Heroes, je parle de Rising Dance sur PlayStation 1. Oh non, regarde, je sens back. Effectivement, les jeux vidéo là, ils vont très bien se tenir parce que là, manger, je parle au futur, malheureusement. Mais sinon, c'est surtout ouais, du Mario, Super Mario World, Super Mario, excusez-moi, Advance 2. Ok. Du No More Heroes ces temps-ci. Ah, ok. Ça fait à part Soul of Darkness. Fait que t'es comme pas mal chargé, finalement, là. C'est d'un côté jeu, là. Plus parce que le jeu vidéo, malgré ce que les études disent, est un excellent, une excellente source pour déstresser. Je vais revenir là-dessus tantôt, tu vas savoir, parce que j'ai trouvé ça drôle dans un des jeux que je jouais. Mais on va aller du côté de rétro. Qu'est-ce que tu joues, cette enceinte? Ben, jouer Luigi's Mansion, comme c'est eux, par contre, je suis complètement l'opposé dans l'opinion. Je trouve que c'est un merveilleux jeu, qui vaut la peine d'être acheté. Puis, je passe mon temps aussi à me taper des épisodes de la série Transformers des années 80 aussi. Nice! Sur DVD. Et à part ça, ben, j'ai commencé à me retaper Dragon Quest 6 ou PS. Intéressant! Moi, de mon côté, j'ai énormément de jeux que je joue ces temps-ci. Bon, je continue ma game de Mass Effect 2 avec Commander Shepard, Female. Et sinon, ben, je me suis acheté deux jeux en fin de semaine passée. Je me suis acheté Far Cry 3 Blood Dragon sur PC. Un jeu qui m'est... je dirais, c'est un jeu qui est hot. L'idée est bonne, mais... la mécanique de jeu, ben les graphismes du jeu des fois sont bien faits, mais des fois c'est ça, quelqu'un comme moi qui a des problèmes avec les couleurs là, j'ai un petit peu de misère à dire, c'est toujours dans du noir puis du rose puis du rouge. Du rose? Ah ouais, regarde, c'est parce que c'est des lasers, tu m'as dit comment tu peux poigner des armes laser puis ça tire des lasers roses néon là. C'est vraiment fucké. Mais tu sais, c'est le principe du jeu, c'est on est dans ce que le monde, tu sais, un monde futuriste, mais pensé dans les années 80. Fait qu'imagine-toi que ça a de l'air. Je te dirais, mettons, imagine Terminator, là, qu'est-ce que ça aurait donné, t'sais. Ça apprend à faire une tête pour un truc d'acide. C'est ça. C'est fou un peu comme monde. Puis là, j'ai pas encore fini le jeu, mais je prévois faire une critique de jeu là. Mais pour le moment, c'est bon, mais je pense pas que je vais lui donner une très bonne note. Je pense que ça va être assez médium comme note. Là. Sinon, je me suis acheté aussi Poker Nights de Telltale Games avec les personnages de Max, Sam et Max, t'as Ash de Evil Dead, t'as Brock de Venture Bros, puis t'as Claptrap de Borderlands. My god, que j'ai du fun! Hey, faut que tu prennes ça, faut que tu prennes ça, Ben. Oui, je vais sûrement faire une critique de ça, mais c'est drôle! Vous pouvez pas savoir, là, les jokes qui se font entre eux autres, ou bien les allusions. Autant que tu te fais insulter par. On sait qui? Le robot Portal. C'est elle qui fait le croupier. Fait imagine-toi quand tu fais un mauvais move, là, elle te regarde. Tu sais, des fois, elle peut te sortir une connerie comme, tu sais, si j'aurais eu ton cerveau, moi aussi, j'aurais fait la même gaffe. You know, if I had your brain, I would have been a noob as well. C'est ça. Tu t'as fait vraiment insulter par elle, c'est hot, c'est vraiment drôle. Puis pour 5$, là, pour un jeu de poker, là, ça vaut trop la peine. En plus, tu peux acheter des tables. Puis avec ces tables-là, ben, l'ambiance change, donc les répliques peuvent changer. Puis pour ça fait 4 heures que je joue en ce moment, là, 4-5 heures. Il y a des fois des phrases qui reviennent, mais c'est pas redondant tant que ça. Donc, je suis vraiment étonné. Fait que, non, je vous conseille fortement. Si vous aimez le poker, petit 5$ investi, là, vous allez avoir du fun avec celui-là. On va dire un petit bonjour au monde qui sont présents sur YouTube. Antithèse, peux-tu aller voir qui est présent en ce moment? Hein? Je te dirais qu'on a Philippe Saint-Jean, qui est là au rendez-vous. Et, je te dis qu'en passant, t'inquiète pas, j'ai fait ça, c'est un cueilleur de légumes, c'était dur, mais j'ai appris. Ah bon? Rien de tout tel que la fierté de travail de dur labeur, bien évidemment. Sur notre intérieur, on est également Maxime Duclos, comme tu l'as mentionné, qui salut Max! Qui a une plaisir d'écouter, qui est super oui. Appuyé. Rad, c'est nice! Salut Rad, comment tu vas? Rad, tu peux me répondre. C'est mon défi de me répondre, Rad. Salut aussi à Norubi69. Merci également. Ouais, je pense que c'est à peu près tout. Hein. Je vois pas rien sur Twitter. CGS55 qui est là aussi. Oui, CGS. Salut CGS. Fait que c'est du bon monde ce soir. Oui, on va du fun ce soir. Plus on est plus on rit. Oui, fait que gênez-vous pas, venez jaser avec nous autres. En ce moment, soit sur Twitter ou sur YouTube Live. Pour le sujet ou bien pour les nouvelles tantôt. Ça va être vraiment cool. On en part-tu des nouvelles? Ah ouais, let's go! Grosse nouvelle aujourd'hui, on entend EA annoncer que ils ont un partenariat à cette heure avec Disney pour les licences de Star Wars. Oh my god! Ouais! Très très décevant. Selon le contrat, Electronic Arts est désormais le seul à pouvoir développer et éditer des jeux estampillés Star Wars. Mais Disney se garde toutefois le droit de garder des jeux sur mobile, tablette, réseaux sociaux et sur le web. Ah oui, là-dessus, il y a peu partout qui va essayer de tenter de venir, c'est pas vrai. C'est vraiment dégueulasse. J'ai tellement hâte de voir. Ah, tu vas commencer avec le petit gun de Yann Solo, mais si tu veux avoir un gun plus puissant, faut que tu payes 2$. Moi, ça, j'avais imagine-tu les DLC que tu vas avoir avec ce jeu-là? Ça va être mortel. Oh my god. Ah, vous voulez avoir un... Ah, il faut aller détruire le Death Star. Ah, oh, mais il faut t'acheter le X-Wing, il est 5$. Il faut t'acheter le Death Star pour le détruire. Tout à fait. C'est quasiment pas arrivé, checkez bien ça. C'est une pièce, le Stormtrooper, pour le tuer, fait que... mettre une bonne armée de 200, là. La barouette. Mais t'as plus ton fuel pour pouvoir conduire le Faucon Millenium. Peut-être le tanker. Faut que t'ailles à une autre planète, c'est 30$ pour aller voir ton ami. Ah, mais regarde, il peut avoir un bonus, il peut avoir quelque chose de hot pareil. Si je paye 5$ pour tuer Jar Jar Binks, moi je vais être content. Bien investi, ouais. Bien investi de l'avoir tué. C'est totalement affreux. Fait que, ben écoutez, je suis bien déçu de voir ça. EA aurait pu. Ben je veux dire, je pense que Disney aurait pu dire, regarde, on va s'ouvrir un studio à nous autres, je pense que ça aurait été parfait à la place, là. Au moins le vendre ou pire à une autre compagnie. Ouais, mais. EA, quand même, des 7 ans, là, c'est des. EA devient à ce moment-là une économie pour. En quelque sorte pour Disney. Il aurait dû donner ça à Activision. À qui? Activision. Activision. Oh. Ça ressemblait à Call of Duty, là. Ouais, c'est ça, on va voir. Battlefront 3 serait bon. pourrait être bon. En Call of Duty? Ouais, en Call of Duty, je sais pas. Yeah. C'est clairé, là, les first-person shooters, là. Ah, c'est pas ça. Ou bien, il ferait un RTS à la StarCraft, mais dans le monde de Star Wars. Ah, tu l'as déjà essayé, le RTS, qui avait sorti dans Star Wars? Empire at War? C'était mauvais! Ouais, mais là, ça serait fait par Blizzard. Ouf, ça va, pas sûr. Attends, pas que c'était horrible. Quoi, c'est pas sûr, c'est meilleur dans le vrai. T'as joué à Art of the Swarm? Non, pas encore. J'ai joué à Art of the Swarm, puis j'étais bien déçu. Bon, mais c'est la même grise affaire que... Mais donc, il y avait rien, là. Pour 59$, là, je pense que j'aurais payé plutôt 20$. 59$, c'est mal! Ouais. Mais c'est une extension! Une extension 59? Ben, je pense qu'il est 59 ou 39. 39, pas 59. Il est 39? Ah, je m'excuse, je me suis trompé. Mais 39$ pour pratiquement rien, je trouve, là. Puis t'es bien déçu, puis l'histoire, j'ai trouvé bien plate. Fait que, non. Je veux pas voir ça. Une autre nouvelle qui va peut-être intéresser notre ami PL. Il y a un projet mais c'est pas Kickstarter, c'est un autre site où que on parle de produire une suite spirituelle d'Eternal Darkness. Le jeu serait pensé en une sorte de jeu épisodique qui se déroulerait sur 12 épisodes, soit sur PC ou sur Wii U. Puis on serait un personnage qui s'appelle Paul Decker qui est amené à enquêter sur un massacre très très dégueulasse qui s'est passé en Louisiane. Puis ça va vraiment se passer sur plusieurs siècles. Donc on va incarner plusieurs personnages très très différents. C'est intéressant. Intéressant. Là, par exemple, il manque quand même 1,15 million d'euros. Donc à peu près quasiment 3 millions. Pas 3 millions, mais peut-être 2 millions quelques pour le jeu en participation Kickstarter. Je vais t'envoyer le lien, PL. Tu me donneras ton avis, là. Je vais l'envoyer en même temps. Il cherche 1,5 million américains. OK, ouais. 1,5 million aussi. OK, je comprends pas pourquoi tu m'as mis ça en euros parce que j'étais sur le site de jeuxvideo.com. Ouais, je sais, j'ai vu ça juste là-dessus. Mais t'inquiétant quand même. Ben, je suis pas inquiétant, mais. Ils vont y arriver, je le souhaite. Mais je trouve ça bizarre qu'ils veuillent faire ça en épisode. Ça va quand même coûter 60$ à la fin. Tu sais, comparé à ce que tu checkes comme Walking Dead qui coûtait comme 25$ pour avoir les 5 épisodes. Là. Mais Nintendo n'avait pas déjà conceptualisé, ou même leurs partenaires n'avaient pas déjà commencé à conceptualiser Eternal Darkness 2. J'ai pas vu de nouvelles là-dessus, je dois t'avouer. Mais la propriété, elle doit appartenir à Silicon Knight, non? Oui. Ah, ma sœur aussi. Fait qu'il faudrait que ça arrange avec Silicon Knight pour faire ça. Non, c'est ça. By the by, t'es déjà à 5$. Une question pour toi, Big Ben. T'es déjà à 5$, tu l'as acheté où? Le jeu, je l'ai acheté sur Steam. Ah, t'as acheté sur Steam? OK. Il est sur Steam, ça s'appelle Poker Nights 2. Night at the Inventory. C'est vraiment cool comme jeu. Il avait sorti même la pub pendant le Poisson d'Avril, il me semble. Ouais, ça se peut. Je me souviens bien, ouais. Mm-hmm. Puis, ça c'est vraiment nice, là. C'est drôle, là. Je vous dis, si vous aimez le poker, allez-y. Vous allez passer un petit très bon 5$ à s'investir. Puis en même temps, vous récoltez des coins que vous pouvez acheter du stock dans Borderlands. Vous pouvez gagner des affaires dans Borderlands 2. Puis également dans Team Fortress 2. Fait que, tu sais, si vous gagnez, ben, vous gagnez des affaires dans les jeux, c'est ça qui est cool. Sinon, passons à une prochaine nouvelle. Ben, je vous ai parlé un petit peu de Blood Dragon tantôt. Far Cry 3. Ben, l'acteur qui a fait le personnage principal, Michael Biehn, celui que j'asais la semaine passée, puis tout le monde a fait, what the fuck, c'est qui ce gars-là? Qui est le père de... qui est le soldat qui aide Sarah Connor dans Terminator le premier, ben il parle comme quoi qu'il y aurait une suite à Blood Dragon. Déjà. Puis, parce qu'ils disent que Ubisoft sont impressionnés par les chiffres de vente de ce jeu-là. Puis ils disent qu'il y a un meeting qui s'est passé aujourd'hui puis que ça se pourrait que ça devienne une franchise. Ça serait bizarre, hein? Allô? Mon dieu. J'entends juste des bading-badang. Ouais, j'entends juste des bading-badang. Allô? Oui, allô? Okay, ouais. Tu veux qu'on dise quoi, là? Ben, Je sais pas, selon toi, une franchise Blood Dragon, t'en penses quoi? Je sais même pas c'est quoi, mais si j'en pense quelque chose. T'as-tu été voir au moins la bande-annonce? Non. Ouais, ouais. J'ai pas le temps. T'as le temps, là? Ah oui, je te le donne, là. Ah oui. Sans podcast! Ça, ben là, pas grave, là. ben c'est ça, il va y avoir un probablement une suite, puis peut-être même une franchise. Fait que c'est intéressant de savoir ça. Je suis vraiment content de voir qu'il y aura... Hey, en passant, avez-vous écouté le dernier Angry Nerd? Oui. Oui. C'était lequel? Avec le vieux gars. Ouais, avec le gars de Toxic Avenger. Hein. Ouais, vous avez pensé quoi, ça? C'était mauvais. Mauvais. Oh boy. Moi, j'ai vu le gars au début, je me suis dit, OK, ça peut être intéressant. Il peut peut-être comme dire, pourquoi t'as pensé à ça vraiment? Pourquoi t'as fait des conneries de même? Mais non, c'était juste comme le vieux, il répondait des conneries sans bon sens. Puis à la fin, la scène, comme, vomit à terre. Puis l'autre, c'est ça, là, le jeu. J'ai trouvé ça comme l'humour pour enfants. Là. Comment, la personne qui rit à ça, elle n'a pas un quotient intellectuel bien élevé, là. Merci. Ça peut être intéressant. Non, il paraît que le gars... j'ai pas un quotient très élevé, alors. Regarde, là, excuse, mais c'est pas drôle. Mais le oui, gars, il paraît qu'il est vraiment... le gars, il paraît qu'il est vraiment drôle dans la vraie vie, puis que, tu sais, il peut dire... quand tu rencontres le vieux gars, Michael Shows, il est fun à parler et tout, mais tu sais, là, c'était abusé, puis c'était pas drôle du tout. Désolé, Retro Gamer PQ. Tu penses là-dessus que Lloyd Kaufman, c'est un des héros du nerd. Fait que c'est une preview avec ton héros. Première des choses. Deuxième des choses, c'est effectivement, c'est le Lloyd Kaufman qu'on a vu dans la vidéo, c'est une version pas si exagérée que ça du vrai Lloyd Kaufman. À ce point-là? Ouais, d'après ce que je sais, ouais. Il est spécial. Okay. Cordial pis spécial, tu sais. Ok. Je ne coupe pas, il y a des d'accord. C'est pas une nouvelle, hein? Je vais faire une nouvelle. Tu veux faire une nouvelle? Oui, je vais faire une nouvelle. Ben, fais une nouvelle, vas-y. Si vous voulez jouer la Super Mario RPG, là, ben, puis vous avez des points Club Nintendo, là, c'est 200 points. Là. Et tabarouette! Lequel Mario RPG? Lequel? Ben, il y a quelqu'un qui s'appelle Super Mario RPG, là. Vas-y, les Legend of the Seven Stars? Ben oui. Merci de préciser. Dans l'autre jeu qui s'appelle Super Mario RPG, j'en connais pas. Non, mais tu peux dire qu'en étant des Mario RPG, tu as quand même une certaine panoplie. Comme... Non, j'ai bien dit Super Mario RPG. J'ai pas compris le Super Mario, je suis désolé. Paper Mario, c'est pas Mario RPG non plus. Non. Mais saviez-vous que chez Squares, là, à chaque fois qu'il y a des nouveaux employés qui arrivent dans la place, là, ils font installer devant Super Mario Bros. RPG, Super Mario RPG, pour leur faire apprendre c'est quoi un bon RPG. C'est bien. Oh my god, nice. C'est moi, je le savais déjà, j'ai déjà joué. C'est pas, ils n'ont pas besoin de leur montrer. Ben, juste de leur jouer et savoir c'est quoi un vrai bon RPG, tu sais. S'ils peuvent éviter de faire des Final Fantasy 13, je serais bien content, tu sais. Et voilà. C'est vraiment pareil, fait que tu sais, à quel point est efficace. Ah, ça là-dessus, je peux pas t'aider, mais il faut juste qu'ils reviennent dans la simplicité, qu'ils arrêtent de faire des conneries, puis de se prendre pour Disney. Oh, les belles affaires, puis la belle pseudo-imagination, puis. Ouais. Fait que, t'as-tu d'autres nouvelles? Ben, je peux vous dire, c'est qui les 10. Plus hot fille qui conduisent des chars. Ok. Moi, ok, j'en qui conduisent des chars. Oh, ouais. Non, mais je connais rien là-dedans, je checkais les nouvelles. The Last of Us a été malheureusement repoussé. Alors qu'il était censé sortir cette semaine, il sort officiellement le 14 juin. Encore. South Park The Stick of Truth est peut-être ce qui va sortir à la fin du mois, c'est pas sûr. On sait que South Park, était avec THQ, ben il y a eu beaucoup de disputes légales concernant qui va développer le jeu. On sait maintenant que c'est 2K qui va développer le jeu. Pas le développer, mais le sortir. Ben 2K, ça a de l'allure, là, je trouve, là. Il y a bien des compagnies qui voudraient pas de la merde, là. Plus que Ubisoft, en tout cas, si je peux me permettre d'expression. Au crime que oui. C'est parce que Ubisoft, pour moi, comme pas vraiment l'étoffe pour faire des jeux de ce genre-là, d'être aussi cru, là. Parce qu'on s'entend sur un parc si tu crues, là. Ce qui arrive, là. Une autre nouvelle, il y a des rumeurs qui parlent comme quoi qu'on pourrait avoir un nouveau Mario en 3D sur Wii U en octobre. Il perd pas de temps. Galaxy 3? Une sorte de Galaxy 3 dans ce genre-là. Puis, tu m'entends que j'ai hâte de savoir, là, parce que là, c'est peut-être le jeu qu'on va me faire acheter. Hein? Il manque de jeux Wii U encore, là. Ça prend un bout de temps avant qu'il en sorte, comme ceux qui veulent la peine, là. J'attends un Smash, là. Je pense que ça sera pas avant 1 ou 2 ans, là. Ben, il n'y a pas un Smash qui est déjà annoncé en 3DS? Pour 3DS, oui, mais je parle Wii U, là. Mais je pense que les deux sont annoncés, mais bon, faut que je vérifie. Ben, c'est sûr qu'il va en avoir un sur Wii U, mais dire quand, ça, c'est une autre chose. Fait que c'est ça, on attend des nouvelles. De toute façon, on risque d'en avoir peut-être quelques nouvelles d'ici le 3. Comme je dis, c'est quelques nouvelles, parce que la conférence est quand même annulée, fait qu'il n'y aura pas de conférence Nintendo cette année. Hein. Sinon, pas ça, je regarde rapidement. Hey, Antithèse, vu toi que t'es le passionné de Retro Studio, on a-tu eu des nouvelles de son prochain jeu? Non. Pas encore? Non, je surveille ça. Je vous avouerai peut-être pas à la loupe, mais je surveille ça. Mais je surveille quand même de près parce que je pense que c'est aussi l'intérêt de Retro Studio de ne pas non plus assumer que quand ils vont faire l'annonce, il va avoir un intérêt parce que plus une annonce se fait tarder, puis plus ça prend du temps avant que les gens reprennent intérêt sur leur projet. Y a des rumeurs qui parlent comme quoi que ce serait peut-être un nouveau Star Fox. Tu penses-tu que ça pourrait s'enligner là-dessus? Si c'est effectivement un nouveau Star Fox, ça serait dans la mesure du possible. Puisque quand ils ont dit qu'ils étaient pour travailler sur un projet que tout le monde voulait, ça peut autant être un Star Fox qu'un Metroid ou qu'un nouveau Donkey Kong. Parce que c'est quand même là, trois jeux sont populaires, sauf qu'en même temps, Star Fox, c'est pas licencié par une autre studio Nintendo autre que Retro Studio. Le dernier, c'était Star Fox Assault. Il y en avait, ben celui sur 3DS, et ça compte pour. Non, il connaît. Remake, c'est pas. Moi, je te parle, c'était pas. Non, c'est ça, le dernier sur console, c'était Assault sur GameCube. C'est ça. Qui était. Ouais, console. Ouais, c'était pas vraiment le best des best, là, mettons, là. Les parties vaisseaux, c'était bon. Mais tu sais, t'arrivais à pied, là, c'était pourri. Je détestais ces bouts-là. J'avais juste hâte de finir le niveau pour continuer les trucs de vaisseau. Le dernier, c'était Star Fox Command sur le DS. DS, okay. Oui. Ouais, il était pas très bon non plus. C'était différent, c'était pas. Tu sais, tu contrôlais plus ou moins ton vaisseau, là. C'est passé dans des rings, là. Super Mario 64 version 2, là. Fait que j'espère qu'ils vont aussi nous faire un bon Star Fox 64, là. Ben, ils vont le faire comme Star Fox 64. J'espère qu'ils vont le faire de même. Puis, Star Fox 64, il est vraiment bon. C'est moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien. Ouais. Ah, oh, ouais. Regarde. Ça, puis Sin and Punishment, les deux, je trouve qu'ils se ressemblent pas mal. Puis, tous les deux sont bons dans leur style, là. Sin and Punishment? Mm-hmm. Ça ressemblerait à Star Fox, je trouve. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à Star Fox. Ouais. Moi, je trouve pas beaucoup. De quoi ça? Sin and Punishment sur Wii. Sin and Punishment. Je trouve pas. Je sais qu'il y a un autre style de. Je sais qu'il me semble qu'il y a un autre jeu de Sin and Punishment. Ben, je sais pas que c'est. Sur 64. T'as celui 64 qui est jamais sorti ici, sauf sa Wii. D'accord, c'est ça. Puis après ça, au moins c'est celui-là que j'ai joué. J'ai encore celui emballé sur la Wii que j'ai acheté chez Saint-Pierre chez eBay Games. Moi, je dis que pour 15$, j'avais fait un deal chez Zellers. Ah non, j'ai payé ça 5$ chez eBay Games. Ah. Avec Metroid Prime 3 emballé 5$. Non, c'est un coup fumant. Ça, on appelle ça un coup fumant. Ouais. C'est liquidation ou quoi? Il commence à liquider, ouais, je trouve. Ben, ça dépend où tu vas. Chez Microplay, je trouve qu'il commence à faire plus de liquidation de Wii que chez eBay Games. Mais il commence à manquer de place. Là. Mais il commence à manquer de place pour la Wii U. Puis, arrive. Je sais pas si t'es allé sur celui de Masson dernièrement, c'est eux. C'est comme t'es rendu avec un rack de Wii quasiment, là. Bug. Oh! Ça bug un peu? Ouais, pas mal. OK. M'entendez-vous bien, tout le monde? Oui. Oui. T'es elle? Moi, ça va bien. OK. Bon, ça va peut-être se replacer, là. Fait que, non, c'est ça, c'est sur Mac. Ça s'est replacé, là, mais ça bug des gros espaces, là. Bizarre. Fait que, ben, c'est ça, sur Maçon, le micro-play, là, ils sont rendus comme avec un rack de Wii. C'est à peu près tout. Puis le gars, il m'a dit clairement, si tu vas avoir des jeux de Wii, c'est le temps, parce qu'en ce moment, là, on commence à avoir de la misère en poignée. Fait que, même moi, il y a une couple de titres que je veux m'arranger pour poigner avant qu'ils soient liquidés. Fait que. Comme le Kirby ou le. Ils doivent plus en racheter gros non plus. Ben, ils rachètent, mais ils donnent à rien, là, tu sais. Fait que. C'est ça, ils doivent pas prendre. Ouais. Ils vont prendre n'importe lesquels quasiment, mais ils vont donner des peanuts, là. Mais... C'est ça, tout à fait. Il n'y en a plus dans les avis de recherche, là, c'est fini. Sinon, on va embarquer. On va aller voir le monde sur Twitter, antithèse. Que dalle. Que dalle? Moi, je vois plein de choses, que dalle. C'est surtout Ty qui dit que il part en voyage en octobre pour Walt Disney World, puis qu'il va apporter son chandail et qu'il va faire pas qu'il va faire, mais qu'il va amener son chandail des accros avec lui à Disney World. Ben merci Ty. Cool. On prend ce coup. Prends des photos, prends des photos. Ouais. Pogne le cul, Mickey Mouse. Maxime Duclos dit que Retro Studio fait Zelda. Comme j'ai expliqué à Maxime Duclos, ils ont été offerts, Iwata leur a offert de faire le prochain Zelda, mais Retro ont dû décliner parce qu'il y avait déjà un autre projet, justement le projet qui serait que tout le monde attendrait. Je verrais tellement faire, je sais pas, Earthbound 3 ou 4. Ça serait malade. Sorti partout, ce serait malade. Un nouveau Earthbound, là, j'en bave. Mais déjà qu'on va l'avoir sur la Wii U, c'est au moins le Earthbound normal, on va l'avoir sur la Wii U, c'est déjà quelque chose. J'aurais voulu qu'ils le mettent sur la Wii Virtual Console depuis le temps que le monde s'est battu pour ça, là, ils mettent sur la Wii U pour que le monde achète cette console-là. Ouais. Merde. Tu vois, j'ai un argument pour l'acheter. Il y a tellement de campagnes pour ça. Ouais, en même temps, veux-tu vraiment acheter juste la Wii U pour Earthbound? Non. Je voudrais l'acheter. Ouais, mais tu sais, comme. Ça me coûte à peu près le même prix que l'acheter à cassette, tu sais. Non, c'est. Il y a ça, par exemple. Comme Zombie U. Retro Gamer est en train de nous montrer Zombie U. Je pense que toi, tu l'avais aimé en plus, Zombie U. J'adore Zombie U. Zombie U, c'est assez monde, malade. J'espère. Zombie U, c'est assez malade comme jeu. Assez, ouais, pas mal. Je suis rendu à mon 30e survivant. Et tabarnouche. Mon dieu. Non, c'est dur. C'est très dur? Ouais, c'est pas mal dur. En mode cauchemar machin, là, c'est assez tough, merci. OK. Fait que là-dessus, je pense qu'on va embarquer dans nos nouvelles, si on n'a pas d'autres pas dans nos nouvelles, mais dans notre thème du jour, je pense. Ah oui, non? Ouais, on est tout dû, là? Ah ouais, let's go. Hein? Rapidement, il y avait tout d'autres choses qu'il fallait que je jase. Je voulais juste saluer nos amis de chez Cybermaniacs qui en ce moment est en train de faire un concours pour gagner des billets pour Star Trek, la première de Star Trek à Montréal. Donc, allez voir sur leur site. Vous pouvez peut-être avoir une chance de gagner des billets pour l'avant-première. Donc, si jamais vous avez la chance, allez-y. On va embarquer dans le sujet du jour, Sega Genesis. Une console qui, pour moi, me rappelle de très bons souvenirs. Et j'avais envie de jaser avec vous pour parler de cette console-là, voir ce qu'on a tous aimé de cette console-là, puis en même temps, ça vous checker, voir c'est quoi les bons jeux, c'est quoi les mauvais jeux qui ont sorti là-dessus, mais également voir les raisons que la Sega Genesis a perdu contre la Super Nintendo. Fait que je vais commencer avec Antithèse. C'est quoi ton histoire avec la Sega Genesis? Pour faire que la Sega Genesis, c'est que j'avais un de mes amis qui, lui, avait la Sega Genesis. Fait qu'il y avait des jeux de façon comme Alter Beast, Revenge of Shinobi et Golden Axe. Alors, les samedis matin, j'étais invité à aller jouer chez lui dans son sol à au Sega Genesis, en échange, entre guillemets, j'en ai mon Game Boy régulier, parce que lui, il n'avait pas de Game Boy régulier. Alors, peut-être on jouait ensemble des fois sur le Sega Genesis, et puis des fois il jouait à mon Game Boy, moi je jouais à Sega Genesis. C'est donc on peut dire que c'est là ma première expérience du changement à 8 bits à 16 bits. C'est avec le Sega Genesis. Il y avait aussi Mickey. Alors moi ce que j'ai remarqué de Sega Genesis, c'est que ça avait quand même des graphiques assez vivants. Ça, j'ai toujours été impressionné de ça pour la Sega Genesis. Cependant, le son, on s'entend que le son, ben. Non, la musique est vraiment inférieure à Super Nintendo. Mais ça, dans le fond, aussi, le problème, c'est, ultimement, Sega voulait essayer de bester Nintendo en sortant sa console 16 bits avant Nintendo. Puis, ils sont peut-être, je trouve qu'ils ont été avant-gardistes en faisant ça. Et en même temps, je trouve qu'ils sont un petit peu tirés le pied parce qu'ils ont été genre « Ah, on va sortir notre console avant Nintendo. » Dans ce temps-là, il n'y avait que Sega ou Nintendo qui étaient surtout forts pour des consoles. Conséquent, Nintendo dit « Pas de problème, sortez votre console, puis nous, on va en faire une meilleure par après. » Mais ça change pas le fait qu'il y a quand même des très bons jeux sur Sega Genesis. Dont un bon jeu de Sega Genesis que je suis sûr que mon collègue Retro Gamer PQ va être d'accord, Castlevania Bloodlines. Oui, c'est un très bon jeu, effectivement. Qui était seulement exclusif sur cette console-là. Comment tu dis? Qui était seulement exclusif sur Sega Genesis, puis absolument. C'est un très bon jeu. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Toi, je sais, Retro, t'as une opinion assez différente des autres. Qu'est-ce que tu penses de cette console-là? Ben, moi, je peux te dire que quand j'étais jeune, je connaissais personne qui avait une Sega Genesis, à part une, non, c'est pas vrai, il y avait une personne dans tout le quartier qui en avait une. Puis, ben, tout ce qu'il y avait, ben, c'était Sonic, puis, ben, c'est... Ok, donc, t'as pas eu la chance de jouer à ben des jeux sur cette console-là. D'ailleurs, parce que tout le monde avait un Super Nintendo, puis tout le monde bandait sur Super Nintendo, fait que... J'ai acheté un Super Nintendo, moi aussi, puis j'ai bandé aussi. Oh. Mais, comme Thèse l'a dit, ça veut pas dire qu'il y avait pas des bons jeux dans là. Non, tout à fait. Sauf que, au point de vue système, le Super Nintendo était nettement supérieur au point de vue des rendus de la musique, surtout. Le mode 7. Oui. Et ben, ce qui a endommagé surtout le Genesis, c'est son statut sonore. Ouais, tout à fait. Son est très très différent. Sa carte graphique était vraiment, mais vraiment pas mauvaise. Il pouvait faire des belles affaires avec ça. Oh oui, ça, je ne l'ai pas. Mais le son, là, c'est... Ah! Dépendamment des jeux, là, mais en général, c'était comme un fond boîte de carton là, dans orchestré avec un accompagnement de cannes de conserve. Oui. C'est mélodieux. Mais il y a des bons jeux, comme tu l'as dit, Castlevania Bloodlines. Moi, j'ai bien aimé Contra Hard Corps aussi. C'est bon, ça aussi. Il était mieux que le 3 qui était ça, Alien Wars sur. Moi, je le trouvais mieux que celui Alien Wars sur. Oh non, non, il était pas mieux. J'ai pas aimé Super Nintendo, là. Non, je suis pas était d'accord. En haut, là. Ah, oh, c'était mauvais. Ben ouais, mais c'est un tableau, c'est pas toute la calice de jeu. Ben, quand même, t'as même des bons. Non. Là. Ah, il était nettement supérieur contre Hard Corps. C'est dur à dire, moi, je trouve. En contre 3 et Hard Corps, c'est dur à dire. C'est parce que c'est comme différent, comme gameplay aussi. Ben, c'est le même gameplay contre 3, mais t'avais le choix de personnage. On va laisser la gang des accros sur le chat nous dire eux autres ce qu'ils pensent. Alien Wars ou... je m'en ai dit Bloodline... celui sur Sega Genesis ou celui Hard Corps ou Alien Wars? Lequel qui est meilleur selon vous? On va attendre vos nouvelles là-dessus. C'est à ton côté? Mon Dieu, Sega Genesis, c'est un peu comme PL. Ma transition 8 bits à 16 bits carrément. La console que mon grand-père m'avait achetée quand j'étais jeune avant qu'il meure. Puis mon Dieu, après j'ai eu tellement de jeux là-dessus. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que tu sais, c'est des jeux. Les exclusivités, il y en a, tu peux trouver, c'est des trucs magnifiques, tu peux trouver autant des cochonneries, ça c'est sûr. Mm-hmm. Je sais pas si quelqu'un connaît le jeu Dinosaurs for Hire. Oh my god. Je connais pas. Oh my god. That takes me back. T'as-tu dit que tu le connaissais? J'ai pas entendu. Ben. Si c'est bien ce que je pense, c'est dérivé d'une émission pour enfants qui passait dans les... Dans ça peut être un MacBook, ça? Ben, peut-être un dérivé, je sais pas. Ça, je peux pas confirmer, j'ai jamais vu ça à la TV personnellement. C'était des dinosaures avec des machine guns. Puis, tu sais, tu montais, c'était un niveau un peu side-scroller, mais tu sais, à l'âge du Contra, tu shootais un peu partout. Puis, il y avait des boss vraiment gros qui prenaient toute la place dans l'écran. Puis, c'était des affaires vraiment le fun. Tu avais le choix entre trois dinosaures différents. C'était un de mes préférés, ça. Puis, c'est pas un jeu très connu. Moi, je dirais de mon côté, la Sega Genesis a toujours été une de mes consoles que j'ai aimées. Et surtout, je dirais une petite coche de plus que Nintendo. Est-ce que c'est pas Nintendo? Je suis un des seuls à le dire. Tout simplement pour la variété de jeux. Puis des fois, les versions des jeux qui sortaient là-dessus étaient meilleures que la version Super Nintendo. Je donne l'exemple, Aladdin. Moi, j'ai trouvé mieux la version sur Sega Genesis. 100%. La version Sega Genesis était bien meilleure que la version. Je suis d'accord, mais c'est un jeu plat. Ah, je le trouve bon encore. Je t'en parle des jeux. Ah, j'ai rejoué, moi aussi. Ah, non, moi, j'ai ça, ce jeu-là. Moi, je trouvais que c'était bien fait. Il y a d'autres jeux également qui sont sortis. Ghostbusters là-dessus. Il est malade. Ah, j'adore. C'était fun. Il y avait Bubsy. C'était pas pire, là. T'as pas aimé Bubsy. Ah, oui. Mais pas Bubsy 3D, Bubsy, là. Oh, my God. Il y en avait deux. Bubsy. Ouais, deux, j'ai pas premier, t'as pas pire. Juste pour pire. Tu vas aller shooter en face d'un char. Non. Et à Québec, ça va te prendre du temps avant que ça arrive. Non, c'est un niaise. C'est parce que j'étais tellement habitué d'avoir du trafic en avant de chez nous, parce que je suis sur une grosse rue passante. Fait que. Quelqu'un a déjà joué. Je pourrais faire frapper par un char de police, ça. Il passe tout le temps par la rue, ça. Ah, ok. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est ça? C'est ça, quelqu'un a déjà joué à La Belle et la Bête sur Genesis? Non. Ouf. Okay. C'était dégueulasse. J'avoue que j'ai jamais joué, non. C'était terrible. Je pense que t'avais des versions, hein. T'avais une version Belle, puis t'avais une version Bête, ça se peut-tu? Non, je pense que c'était juste La Bête. Ben, je sais pas s'il y avait des niveaux plus tard avec Belle, mais je me rendais pas loin, c'était trop mauvais et dur. C'était vraiment mal fait. À un moment donné, le boss, c'était un ours, tu te faisais péter, il n'y a aucune chance. La bête, c'était pas une bête, c'était je sais pas moi, un calinours au plus fort. Moi, mes premiers jeux que j'avais là-dessus, excusez-moi, sur la Sega Genesis, c'était le fameux Sonic 1 qui donnait avec la console. C'est pas le 2 un temps même? Non, moi j'ai eu le 1. Dans le temps que ça sortait, j'ai eu le modèle 1 avec le Sonic 1. Ah, ok, ouais, c'était le modèle 1, oui. Ouais, j'avais le gros modèle, là, je l'ai plus, mais dans le temps, j'avais ce modèle-là, puis pour moi, c'était, je passais des heures et des heures, surtout que Sonic 1, il est quand même assez long, comparé aux autres, là, je trouve qu'il est pas mal plus long. Fait que j'ai passé des heures de fou là-dessus. Puis mon deuxième jeu que j'avais, c'était les jeux de hockey. Donc, le premier NHL 93, genre. C'était bon. Il était bon, sérieusement. Sauf que j'étais le seul à être capable de pouvoir péter des vitres avec une rondelle tout seul. Demandez-moi pas comment je faisais. Fait que, non, c'était mes souvenirs. Puis après ça, j'ai découvert d'autres jeux plus après. Puis c'est ce qui a fait. Mais j'ai découvert pas mal de jeux rares, puis des jeux plus... moins inconnu des gens sur cette console-là comparé à Super Nintendo que tout le monde se souvient des. On parle d'un jeu X puis tout le monde s'en souvient. Là. Puis étrange, c'est une des seules consoles qui n'a pas encore sa liste de 100 meilleurs jeux. Selon IGN. Non, pas encore. J'aurais bien aimé ça. Il y a quelqu'un qui a joué à Time. Je pense que c'est un jeu de combat. Je pense que ça s'appelle Time Shifters, quelque chose comme ça. Time Warriors, c'est des bonhommes, il y en a un, c'est genre dans le futur, un bonhomme futuriste, il y avait un bonhomme, c'était un homme des cavernes, je pense, il y avait un cowboy, c'est plein de bonhommes de plusieurs temps répartis, c'est un jeu de combat assez rare, je l'avais ce jeu-là, c'est ça qui est étrange, maintenant il est quand même assez cher que j'ai vu, étonnamment. Non, ça me pas si bon que ça, mais tu sais, t'avais par exemple le bonhomme du futuriste, il y avait une chainsaw, fait que là, tu coupais les bras des autres, tu pouvais leur couper la tête, c'était violent, ça c'était vraiment violent, oui. Time quelque chose, je pourrais pas dire le nom exact. que c'est un jeu d'arcade, que tu décris, c'est vraiment un jeu d'arcade très gore, qu'il y avait dans un comic shop quand j'avais genre 15-16 ans. Puis j'ai toujours voulu chercher, juste pour avoir le nom, juste pour savoir le nom, puis avoir des useless facts de ça. Puis c'est tout ce qui s'appelle Time. Time Shifters, peut-être. Je sais vraiment plus. Je peux pas. Ok. Pas grave. On va parler de la console en tant que telle. Quel modèle avez-vous eu de la console? Numéro 2. La 2. La 2. PL, toi? Répète ta question, s'il te plaît. Quel modèle de la console t'as eu? J'ai pas eu de Sega Genesis. Ah, t'en as pas encore eu? Ah, je pensais que t'en as déjà eu. Non. Ah, tu veux dire dans le temps, là? Ben, soit dans le temps ou en ce moment, là. Quel modèle vous avez, là, c'est pas grave. Dans le temps, rien, maintenant, 2. Ok. Ça m'a dans le temps, la 2, maintenant, le Sega CDX. Oh! Okay. Personne ne connaît ça? La grosse classe. Non, c'est vraiment quelque chose, j'avais trouvé ça. Là? Ouais. Mais c'est une belle console que pareil, parce que j'avais trouvé ça, un gars, il vendait ça sur le bord de la rue, il m'a fait ça 5$. J'avais jamais vu ça. Puis ça fait une couple d'années. Mais ça joue les Sega Genesis, puis ça joue Sega CD. Donc t'as pas besoin d'acheter l'espèce de add-on dégueulasse. Ah, c'est intéressant. Et j'ai acheté la 32X aussi pour mettre par-dessus. Ça marche même. Et si bol. Puis, c'est dégueulasse, Sega CD, en passant. Mm-hmm. Moi, j'ai eu auparavant le modèle 1 qui avait un port pour casse d'écoute. Ce qui était génial à l'époque parce que tu voulais pas déranger ta mère pendant que tu jouais. Tu branchais ça dans ta console puis tu pouvais entendre en stéréo en plus le jeu. Parce que le son, normalement, sortait en mono. Fait que c'était vraiment quelque chose de cool. Puis après ça, ben là, en ce moment, ce que j'ai, c'est le modèle 2 avec les fils de sortie blanc et jaune. Comme ça, ben. Les sorties AV finalement là. Ouais. RCA. Fait que c'est différent, c'est sûr. Je l'entends pas en stéréo, mais bon, ça fait déjà pareil. Qu'est-ce que vous pensez du modèle noir comparé à Nintendo qui était gris? Ça avait un certain sens fashion. Ça avait du panache, je trouve. C'est beau. Oui. Moi j'aimais le style vraiment. Une belle console noire, là, même la manette, je trouvais qu'elle était comme, je sais pas, bien pensée. Il y avait 3 boutons. Mm-hmm. C'était pas des boutons que tu sentais qui étaient useless. Comme des fois dans des jeux de SNES, là, je dirais comme 3/4 des jeux, tu touchais pas à tout. Même la moitié des jeux, mettons, tu touchais pas à tous les boutons. Mais parlons-en de la manette. PL, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu penses de la manette de Genesis? Non, je suis un peu d'accord avec celle là-dessus. C'est une manette qui était quand même très ergonomique. Ça avait l'air futuriste comme manette dans le temps que tu jouais avec les premières fois. T'avais trop de boutons. Plus tard, pour des jeux tant comme Street Fighter ou Mortal Kombat, ces gars quand même étaient assez cool pour sortir des versions avec 6 boutons. Ouais. Mais sinon, de toute façon, avec... Je pense avec Street Fighter au pire, que t'avais juste 3 boutons, tu pouvais quand même changer comment je peux dire ça? On pouvait custom les boutons. Space, je pense au start, puis ton low punch devient un high punch, puis ton low kick devient un high kick, des affaires comme ça. Je pense que tu pouvais custom même dans les options à Street Fighter, je me souviens bien. C'est officiel. Fait que... Non, mais ça, t'avais l'air futuriste. Puis moi, je peux me permettre aussi, parce qu'on parle aussi de la forme de la console. Moi, la forme de la console, je préfère la forme de la console de Genesis que la forme de Nintendo. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Ça a de l'air ergonomique. Futuriste et fashion, comme je disais, là. C'est comparé à une grosse boîte carrée, là. Mais exactement. Quoi que Nintendo, au moins, à son crédit, ben, c'était. Ça faisait plus l'efficacité et la solidité. Je pense que c'est ça un des bémols de la différente comparaison entre Sega Genesis et Super Nintendo. Je pense que la Sega Genesis était moins solide, que la console était moins solide que la Super NES. Je te dirais que moi, je la remarque surtout avec les jeux. Mm-hmm. J'ai un petit peu plus de misère à faire passer les jeux à Star que la console de Spinin. C'est vrai, c'est vrai. Oh oui, écoute, il faut que je trouve le truc, là. Il y a comme chaque console a un truc pour faire partir un jeu. Là-dessus, c'est vraiment mal fait. Toi, de ton côté rétro, je voyais beaucoup de signes de désapprobation. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve qu'elle est complètement laide, là. Sérieux, je peux pas concevoir qu'on ait pu designer quelque chose d'aussi laid. Pour la première, je parle de modèle 1. Le Ouais. modèle 2 est un petit peu plus stylish. Mais de là à comparer Super Nintendo, ça dépend si tu compares avec la Super Famicom, là, parce que Super Famicom est nettement supérieur au point visuel, à mon Tout avis. à fait, oui. Ça, je suis d'accord avec toi. La manette, je trouve que c'est la manette la moins ergonomique ever après celle-là du Nintendo 64. Moi, je trouve qu'elle est grosse pour rien. Trois boutons, trop loin, trop séparés, pas assez proches, pas de left and right. Même aujourd'hui, je trouve qu'elle est encore trop grosse pour les mains, sérieux. Moi, je trouvais Je trouve que là. le stick, ben, les contrôles, c'est, tu sais, il faisait un rond complet, ça, j'aimais ça. Comme, tu sentais Bon, vraiment que peut-être, tu visais mais je sais mieux, pas. puis Ouais, non, juste les les pads pads étaient étaient plus faciles à faire de certains moves, surtout Street Fighter, là. beaux. Ah, Peut-être, ouais. mais en tout cas, ben, mon opinion est que le manette est un design le plus laid que j'ai vu après Nintendo 64, ben avant Nintendo 64. OK. Moi, je suis pas capable. Sérieux, j'ai ça dans les mains, puis j'ai envie de la carotter au bout de mes bras, puis je me suis même acheté un adaptateur pour Genesis pour jouer avec manette de Super Nintendo. Okay. Oh my God. La haine. Non, non, Ouais. c'est vraiment la haine pour cette manette. Je suis pas capable, je la vois, j'ai le goût de vomir. Mon côté, ben. Attends, Hein, excuse, vas-y, PL. on va checker ça, voir. Que veux-tu dire? Il y en a une pas loin? Ah. Je sais pas, ça bug tout le temps sa caméra, anyway. Ben, je sais pas, moi, le pire, c'est que pendant qu'on fait notre podcast, moi, je vois pas CE puis je vois pas Antithèse. Je vois juste Sylvain. Moi, je vois les quatre, mais ça bug beaucoup chez Antithèse. Ah, ça c'est normal, ça c'est normal. Moi de mon côté, pour ce qui est des manettes, la manette originale, je la trouve bien. Je trouve qu'elle fait bien dans la main. Puis les boutons sont quand même assez gros pour moi. J'ai quand même une bonne main. Je veux dire, j'ai une bonne grandeur de main. Fait que je suis content d'avoir un. T'sais, ça soit plus facile pour moi d'aller les atteindre rapidement. Comparé à la manette de la 6 boutons, je trippe un peu moins. Parce que les boutons sont un petit peu plus petits. Mais la manette a quand même la manette de la 6 boutons, je trouve qu'elle est quand même plus petite et elle est beaucoup plus facile à rejoindre certains boutons. Et je parle pas de la manette que j'ai eue de la console, de la FC3, là, qui est totalement horrible pour jouer des jeux de Sega Genesis, là, c'est vraiment de la merde. Ah, Puis, qu'est-ce que c'est que ça? De quoi, le FC3? Non, je parlais antithèse. Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Non, là, on voit très très bien, mais ça, c'est une manette de Sega Genesis authentique. Ok. Donne-moi un instant, juste parce que là, il faut que je m'arrange pour aller chercher ton image à toi. C'est pas très long. L'enveloppe aussi, là, plus Ok. rapide. Ok. Fait que, bon, ok, oui, c'est ça, c'est authentique, là. Mais c'est ça, moi, je trouve que celle-là, je trouve qu'elle est bien, mais bon, chacun son avis là-dessus. C'est pas la meilleure manette, je l'avoue. Pour moi, la meilleure manette reste pour moi la PlayStation 2, je pense que ça a été pour moi la meilleure, là. Non, excusez-moi, 1 et celle de 2. GameCube. GameCube. GameCube, GameCube, ouais, j'avoue, c'est un des meilleurs c'est une des meilleures contrôleurs. contrôleurs que j'ai jamais eu dans la main. Qui. C'est ça, c'est quand même. Elle a son prestige pareil. Ouais, c'est ça, c'est rétro. Côté jeu, quels jeux qui vous ont marqué? Je pense que je vais commencer. Positivement ou négativement? Positivement, positivement, ouais. Positivement, ok. Les Sonic, sérieusement, c'est probablement le must quasiment de la console. Oui. Avec Excepté le 3D même. Blast. Des Blast, non. Pas 3D Blast, capable. là, mauvais. Avec les petits oiseaux, là. C'était mauvais. Ouais, vas-y. Sonic and Knuckles, pour moi, c'était vraiment un must. Oui, tout Totalement. à fait. Avec Sonic 3 ensemble, là, ça fait Ouais, le gros jeu de Sonic. le C'est Puis, si jamais vous êtes sur Steam, là, vous pouvez aller chercher Sonic 3 et Knuckles ensemble pour 5$. Fait que si vous voulez avoir une grosse aventure, là, ça vaut vraiment la peine. Là. Pour moi, c'est un de mes jeux préférés de Sega Genesis. Dinosaur Warrior que personne connaît. Aladdin, pour moi, c'est un des meilleurs. Oui. C'est pas un des meilleurs, mais le Superman là-dessus, il y en avait un. T'as déjà joué? Ouais. Non. Oui. La boîte était jaune, puis il y avait Superman qui fonçait. Je connais pas. C'était. J'avais des bons souvenirs quand même, mais quand j'étais jeune, je trouvais ça dur. Ok. Mais si personne ne le connaît encore, ben là. Faut-tu me faire une critique? Il faudrait que j'aille l'acheter, là. Il doit pas être cher, hein, oui. Ah, je sais pas. Antithèse, ton côté, tes jeux préférés? C'est sûr que Castlevania Bloodline est un incontournable. Je te dirais que, comme je disais tantôt, le Ghostbuster est aussi un incontournable. Ouais. Quoi d'autre, honnêtement? C'est temps de penser que ces gars, même si ils ont fait des bonnes affaires, c'est pas ce à quoi je pense le plus quand je pense jeux vidéo, et ça, j'aimerais m'en excuser. Quoique, c'est temps de penser bien fort. C'est sûr que je veux pas être redondant et dire que Sonic aussi, j'ai bien aimé ça. Parce que oui, j'ai bien aimé le 1, Le 2 aussi, j'ai pas pire aimé, mais parce qu'essentiellement, Sonic, c'est quand même. Tu sais, c'est quand Mario, mais au lieu d'un plombier, c'est un hérisson, tu sais. En ce qui me concerne. Écoute, j'ai besoin à vraiment cerner des jeux parce que sinon, je te dirais que dans l'ensemble, moi, c'est plus. Ce que représente la Sega Genesis, c'était la chance de jouer aux arcades, mais par chez vous. Ok, comment ça? Parce qu'il y a certains jeux qui jouaient à l'arcade qui sortaient directement là-dessus? Exemple Outer Beast, exemple Golden Axe. Golden Axe. Doug Gayden, qui était soi-disant aux arcades, il était pas si pire, mais quand ils l'ont porté. Pour la Sega Genesis, c'était le pire Ninja Gaiden jamais conçu de tout l'univers. On a oublié une série. Avec l'ironie. Shinobi. Ouais, c'est vrai, Shinobi. Shinobi. Shinobi, c'est bon, ça. Merci, Shinobi. Les Shinobi, c'était excellent, mon Dieu. C'était excellent, merci. Les Shinobi, c'est. Comment j'ai pas oublié ça? J'avais les trois en plus. Tu veux dire le Revenge of the Shinobi, Shadow Dancer, Shinobi 2 puis Shinobi 3. Le plus mémorable dans ma tête, c'est le 3, là, parce que je pense que c'est lui que j'ai plus joué. Je trouvais que les contrôles étaient fous, les boss de fous. Écoute, je sais plus c'est lequel des Shinobi, t'as un boss que c'était Spider-Man. Dans le 3. Ouais, c'est ça. Puis l'autre Shinobi, tu te battais contre Godzilla avant d'aller au dernier stage. Je dois t'avouer, faut que je m'y remette sérieusement. C'était-tu dans le 3 qui avait l'espèce de tête squelette dégueulasse? Hey, je me rappelle tellement plus. Mais je me rappelle de Godzilla et de Spider-Man, par exemple. C'est bon. Ça t'a marqué, qu'est-ce que tu veux? Oh, y'a ça. Rétro, de ton côté, les jeux qui t'ont marqué, les jeux que t'aimes. Teenage Mutant Ninja Turtles Hyperstone Heist. Yeah! Oui. Il était bon. C'est vrai. J'ai la maison. Et, Frozen Ghost. Oh, là, tu vois, dans des choses difficiles, finalement. Là. Qui, je pense, Frozen Ghost était meilleur que celui sur Super Nintendo en plus. Non. Non? Tu es malade. Oui, je suis malade. Il était des difficultés équivalentes, puis les stages étaient pas pareils. L'autre était super, puis l'autre était ça. Ok. Ouais. Il y avait deux jeux de Warner, les Looney Tunes, vraiment, même trois, je dirais, facilement excellents. Le premier jeu de sport des Tiny Toons. Le jeu de basket, là? Et basket, soccer, football. Il y en avait un de basket qui était tellement bon, des Tiny Toons, là. Il y avait les trois sports dedans, puis c'était tellement bon. Je me souvenais juste du basketball, mais c'était drôle, là. Puis les habiletés de chaque personnage, c'était vraiment exactement. Cool. Exactement. Ça, c'était excellent. Je m'en souviens. Je prenais tout le temps le petit coyote parce que le petit coyote, il y avait un gros robot qui rentrait dans le monde avec son spécial là, pour pouvoir tuer le monde. Là. C'était comme drôle. Il y avait Montana Max qui pognait son char puis là, t'écrasais tout le monde. Il y avait, sinon, ouais, bon jeu, Sylvestre et ben, Gros Minel, comment, Sylvester et Tweety. Un jeu vraiment bon, là, sérieusement, là, qui aurait cru que ce jeu-là pouvait être bon? Moi, quand j'étais jeune, je trippais. Fait que t'attrapes Tweety, puis là, tu le suivais partout dans le stage, il y avait des obstacles, fallait comme tu déplaces des meubles pour passer à des places, puis il y avait des méchants de la série, puis il y avait le Tweety, à un moment donné, qui devenait comme la créature de Jekyll et Hyde, là. Ah, ok, oui. Ça faisait peur quand il te pognait, là, mon Dieu, là, j'étais pas content. Le dernier, c'était un jeu de Roadrunner et Wile E. Coyote, qui était excellent. Je pense qu'il y en a eu deux sur la console, mais il y en a juste un qui était vraiment bon. OK. Moi, de mon côté, les jeux qui m'ont marqué, c'est sûr que Sonic 3, pour moi, c'est quasiment dans mon top le préféré. Sonic 3 et Knuckles, je pense que celui-là, c'est un jeu must-have, je pense. Sinon, Ghostbusters, pour moi, c'est un de mes jeux préférés. Shinobi 3, je vous dirais aussi, c'est un de mes jeux préférés. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je regarde rapidement sur la collection qui ont sorti. Street of Rage. Excellent beat'em all, sérieusement. Puis le premier, surtout, pour la bande sonore. Sérieusement, là, vous la réécoutez encore, puis je la trouve aussi bonne que dans le temps. Surtout le thème de départ, là, c'est vraiment nice, là. Golden Axe, surtout le premier, je dirais que c'est un must-have. General Chaos. Connaissez-vous ça? Explique, peut-être je m'en souviendrai. C'est un jeu que EA avait sorti à l'époque. Dans le temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais EA sortait des grosses cassettes carrées, là. Avec un bout de jaune, là? Avec un bout de jaune. Le bout de jaune, c'était comme la batterie, là. Puis, dans ce jeu-là, vous avez... c'est comme un petit RTS où vous avez à peu près 5-6 gars à déplacer sur un terrain. Mais ça faisait... Et chaque gars avait des habiletés. Comme, par exemple, tu pouvais mettre un gars qui avait une mitraillette, il y avait un gars qui avait un lance-flamme, il y en avait un autre qui avait un lance-roquette. Puis, il faut vraiment que tu t'arranges pour éliminer l'équipe adverse. Puis, tu te déplaces sur une petite map, mais après ça, t'as d'autres petites maps jusqu'à temps que tu pognes le boss final, là, le château de l'ennemi, puis il fallait que tu réussisses à le battre. Mais si tu te faisais planter, eux autres s'en venaient de l'autre bord. Fait que c'était stratégique comme jeu. Puis c'était tellement bon puis drôle, parce qu'en plus, des fois, tu pouvais te battre à main nue. Genre, à un moment donné, t'avais une sorte de bataille. Fait que là, tu voyais, tout le monde s'arrêtait, fait que t'avais juste ton bonhomme à battre en coup de poing. Puis tu fais faire comme des couchers, à un moment donné, tu tombais à terre, tu payais ton gun, tu tirais dans l'autre gars. Mon Dieu. C'était dans le temps où il osait. Hmm? Ça te dit de même, ça a l'air comme, waouh, j'aurais dû jouer à ce jeu-là. Sérieusement, hein? Puis écoute, je pense qu'il est encore 20-25$ comme jeu sur eBay, là. Allez jouer à... Ouais, c'est ça, c'est vraiment cool comme jeu, puis je trouve ça plate qu'ils ont comme jamais repensé à faire cette idée-là, parce que c'est vraiment nice. Sinon, un autre jeu que j'ai adoré, Hockey Mutant, pour les amateurs de hockey. T'avais fait une critique. J'ai déjà fait une critique de jeu-là, puis... Mon Dieu, moi, c'est parce que je gagnais ce jeu-là, parce que je tuais toute l'équipe adverse. C'était le meilleur moyen de gagner. Fait que t'es pitché dans l'eau, t'es frappé avec une masse. Ah, c'était génial comme jeu, là. Sinon, Aladdin, le Roi Lion, qui est sensiblement le même que celui sur Super Nintendo, pareil. Ouais, c'est pas mal pareil. Ouais. Sinon, rapidement même, dans les quests, Shining Force. Sérieux? Très bon. Hein? Très vrai. C'est très vrai. Top, Puis Phantasy Star. Je t'avoue que j'ai de la misère avec Phantasy Star. J'ai essayé de partir une game, puis je suis pas capable, j'accroche pas à Phantasy Star. J'avais entendu Fantasia. Fantasia, oh my god. Dégueulasse, Fantasia. Dans les jeux de Disney, il y avait quand même quelques bons jeux pareils. Quackshot, souvenez-vous? Quackshot, oh oui, Quackshot, absolument. C'était quelque chose, ça, me semble. C'était un de mes préférés, facilement. Okay. Il y en avait un, même, c'était avec Mickey puis Donald, je pense que c'était... Je sais plus si c'était quelque chose Illusion, je sais pas, mais tu pourrais prendre Mickey ou Donald, tu peux jouer en coop avec les deux. Ok. C'était vraiment débile comme jeu, c'était vraiment bon. Cool. Sinon, rapidement, il y a tout d'autres jeux. Il y en avait un, ça s'appelait Landstalker. C'était un petit peu comme un Zelda, mais t'étais en visiométrique. C'était pas pire comme jeu, ça aussi, c'était bon. C'est un peu comme Oasis, comment ça s'appelait? Ouais, un petit peu Beyond Oasis. Ouais, sur Genesis. Ouais, je pense que c'est Beyond Oasis. Ça ressemble un petit peu à ça, je te dirais. Ça doit y ressembler. Ça. Ouais. Un petit peu, mais la vision est différente, je te dirais. C'est différent, là. Là-dessus, je pense qu'on va embarquer avec les commentaires des gens qui nous jasent sur Internet. Ah, bah oui, shoot. Hein, on va aller voir ça, Antithèse. Les gens, j'ai eu un vote tantôt pour à propos de contrat de quel qui était meilleur entre Alien Wars puis Hard Corps. Écoute, c'est égalité. Un a voté pour Hard Corps, l'autre a voté pour Alien Wars. Alors c'est égalité. Okay. Bon. Ben. Ça, ben écoute, comme j'essaie de glisser tantôt, que malheureusement j'ai fini par maladroitement interrompre des gens et j'espère que j'ai interrompu personne. Il y avait aussi comme bon jeu sur la mention sur Earthworm Jim. Oui. Oh oui. Hein? Bon. Puis c'est la version que j'aime le plus que la Super Nintendo. C'est rare. D'accord. Mais je trouve que la musique a sonné mieux sur Sega Genesis. Mens-moi pas pourquoi. Pour ce jeu-là, oui, ça donnait une ambiance comme Earthworm Jim. Puis même Tommy Tallarico, le gars qui a écrit la chanson, les tunes pour Edward Jim, il a dit qu'il a préféré travailler sur Sega Genesis que sur la Super Nintendo. Ce qui est plutôt rare. Ouais, tu peux continuer. Ok, il y a des jeux... Comme commentaire, j'ai les jeux de Tytoon sur Genesis comme sur SNES sont de très bons jeux, surtout ceux qui sont faits par Konami, ça savait de faire 2011 compagnie. Oui, c'est vrai. Salut. Il nous a rajouté à SR 2011 que Mortal Kombat non censuré sur le Sega Genesis. Oui. Ouais, mais tu sais, quand tu te rends compte, oui, c'est sûr qu'il n'est pas censuré, mais pareil, Nintendo a rectifié le tir avec le 2 puis le 3, là. Fait que, puis les graphiques t'as meilleurs sur Super Nintendo. Fait que là-dessus, je suis moins d'accord avec toi. C'est la version que j'ai plus joué sur Genesis. Personnellement, toutes les Mortal Kombat, je les ai joués sur Genesis. Mais je pourrais pas dire s'il y avait une si grande différence à part le sang là, pour le premier. Là. On parlera pas de la version Game Boy. Je te dirais que la version du 2 et du 3, les voix sonnaient mieux, puis les musiques sonnaient un petit peu mieux aussi. C'est ce que je voyais différent. Vas-y, en détail. De Taiki Shimura. Vous rappelez-vous des pubs de Sega Genesis à la télé? On les voyait à Musique Plus et pas ailleurs. Je t'avoue que non. Je m'en souviens pas. J'écoute, moi, la Musique Plus, dans le temps, c'était mon frère qui s'assoyait dessus pour écouter les clips de Nirvana. Fait que ça date de longtemps. On gâchait toute la journée. Ah, et la télé était pas mal. Un mot de la fin avant tout pour résumer ce qu'on pense de la console. Je vais commencer par CA. Toi, en résumé, est-ce que pour toi la Sega Genesis est une console que quelqu'un doit avoir? Oui, si on a les trucs pas chers, je dois dire. Il y a beaucoup de jeux, c'est comme c'est des Sonic, ok, c'est payer pas cher pour ça, ça se trouve partout. Même celui avec Sonic et Knuckles, payez pas cher pour ça. Si vous trouvez des jeux Genesis pas chers, foncez parce que il y a souvent des beaux trésors là-dedans que même moi j'ai pas encore touché. Puis même si je joue à beaucoup de jeux là-dessus dans le temps, non, j'ai pas pu toucher à tout, mais quand même, il y a des trésors là-dessus qui sont très inconnus. Ok. Toi, antithèse? La même chose, mais maintenant je dirais que tout ce qu'il y a de meilleur ou qui est de meilleur sur produit par Sega sort maintenant en compilation multijeux sur les consoles présentes. Alors c'est sûr que ça avait la chance entre la nostalgie, mais que c'est pas sûr que ça marche. Puis quelque chose dont vous êtes assuré que ça fonctionne, soit à ce moment-là, les compilations sur les consoles de plus récentes, le choix finalement vous appartient. OK. Toi, Rétro, est-ce que c'est une console que quelqu'un doit avoir ou c'est pas obligatoire? Si vous n'êtes pas un collectionneur, perdez pas votre temps. Ça en dit long. Non, mais allez, si vous n'êtes pas un collectionneur, là, si vous avez une console récente, achetez-vous donc les compilations de Sega. Perdez pas votre temps. Parce que malheureusement, les Sega Genesis, c'est encore moins garanti qu'ils puissent fonctionner que les Super Nintendo. Alors, c'est ça qui est vraiment plate, en fait. Tout à fait. Oui, ça veut dire que moi, une CDX foncée. Ben, finalement, prenez-en soin si vous en avez une, parce que sinon, c'est des consoles qui sont un petit peu moins durables que des Super Nintendo. Puis vous pouvez pas bien changer les pièces à l'intérieur. À moins que notre cher ami Giger peut nous sortir un petit article là-dessus, mais de ce que je sais d'habitude, c'est plus difficile à réparer. Mon côté, pour moi, c'est une console que j'aime, que je pense qu'une personne, si vous le poignez pas cher à 20-30$, allez-y, c'est une très bonne console. Vous allez trouver des petits jeux là-dessus qui sont des bijoux, mais il y a également de la crap. Fait que pour moi, deux conseils d'abord. Premier conseil, comme disait Rétro, allez vous acheter les compilations si vous pensez pas vouloir acheter une console. Les excellents jeux, ces compilations, puis c'est des jeux faits par ces gars, donc c'est de la qualité assurée. Deux, si vous voulez absolument avoir une console, renseignez-vous sur les jeux que vous allez acheter, parce que là-dessus, il y en a autant de la merde qu'il y en a de la bonne. Fait que là-dessus, c'est mon meilleur console, ma meilleur conseil. Et il existe énormément de compilations et de patente pour jouer des jeux de Genesis. Je vous conseille de bien magasiner là-dessus, parce que je sais qu'il existe des plug and play pour les télévisions. Puis il existe également des émulateurs en petite console Game Boy. Et ça vaut vraiment la peine. Et mon rêve à moi, les accros, avant de vous quitter, pour la Sega Genesis, que j'aimerais avoir comme console, ce serait la fameuse console. L'Odyssée, non, c'est pas l'Odyssée. Comment ça s'appelle? La console portable de Sega Genesis? Oui, c'est ça. Le Nomade. Le Nomade. J'aimerais tellement savoir une Nomade. Moi aussi, c'est un de mes rêves. Moi, je pense que la Nomade est disponible. Je pense qu'ils vendent la Nomade pour 80$, mais ça, on va vérifier ça cette semaine si tu veux ou la semaine prochaine. Je pense que la Nomade est disponible au Game Boss. Je pense que c'est Game Boss. Game Boss. Tu viens de le dire. À 1000$. Regarde, Boss te move 300$. Non. Non. 300$, mais Boss te move au PlayStation 1 en passant, là. Non. Non. Non. Non. C'est vraiment pas moi, avec les autres. Fait que là-dessus, c'est ce que j'avais à dire là, par rapport à la console. Donc, je rêve d'avoir une Nomade un jour, mais sinon, c'est pas plus grave que ça. Là-dessus, on va se quitter, Zachro. Merci beaucoup. On va dire un petit bonjour à ceux qui sont sur YouTube et sur Twitter rapidement. Fait que merci beaucoup à Sir2011, Trinity, Philippe Saint-Jean. On va dire également un salut à Tiges. Un petit salut également à Maxime Duclos. On va t'espérer peut-être t'inviter un jour au podcast, ça serait cool. Et sinon, je pense que c'est à peu près tout. Je regarde rapidement. Je pense que c'est tout. Ouais. Rad en passant. Salut Rad. Fait que, pour Retro Gamer, comment on peut te rejoindre sur les internets? Par le site des accros, vous allez sur le forum, vous inscrivez, vous écrivez des messages en privé, ou même vous allez sur le forum, vous nous faites plaisir, toute la gang des accros. Cool. Puis sur mon site Facebook, puis sur ma page YouTube. Antithèse, comment on peut te rejoindre sur les internets? Je vous invite cordialement à me discuter de trucs sur mes critiques ou d'idées que vous voulez me faire part pour qu'on fasse un petit débat par le biais de antithèse@yahoo.ca ou gmail.com. Si vous voulez me suivre sur Twitter avec mes after absence de folie et de commentaires pseudo-politiques et de nouvelles de jeux vidéo, antithèse 16, S-A-Y à la fin. Sinon, le best of the best, the cream of the cream, et en français, la crème de la crème, meilleure façon de me rejoindre, les accros, c'est sur accrodesjeux.com/forum. Mon nick est Antithèse, mais bien sûr! Reviewer, comment on peut te rejoindre sur les internets? Ah, moi j'ai pas ça l'interweb, là. Il y a mon Facebook, Reviewer CE, ma page, juste taper Reviewer CE dans la recherche, ça devrait pas être trop dur. At Reviewer CE sur Twitter. ReviewerCE@commercial.com pour les messages personnels et ma chaîne Classic Game Reviews, je sais, je voulais changer de nom, mais je ne peux pas. De mon côté, si vous voulez me rejoindre, je m'occupe des comptes officiels des Accros des Jeux, donc celui de Accros des Jeux sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne-ci si jamais vous voulez voir des nouvelles par rapport à mes prochaines vidéos. Sur Twitter, Accros des Jeux. Vous pouvez me rejoindre également sur accrodesjeux@commercial.gmail.com, le site internet des accros des jeux, le forum des accros où j'y suis tous les jours, et la page Facebook des accros. En passant, on est rendu à 218. Non, on est passé 224. On est passé ça, non? Ah, excusez-moi, désolé, c'est mon erreur, je regarde rapidement. Faut savoir qu'on est 227 personnes. Écoutez, à 250, je fais quelque chose. Je veux avoir 250 prochainement fans sur Facebook. Je vais peut-être faire tirer un petit quelque chose à 250 personnes. Ah ouais, sniff. Ça veut pas faire quelque chose. Likez la page sur Facebook, c'est d'avoir quelque chose de cool. C'est ça. Fait que probablement, je vais envoyer un petit quelque chose à quelqu'un sur qui va être abonné à 250 abonnés. Ah non, alors, sniff du wasabi, là. Ouais, un live sur webcam, là. Fait que là-dessus, c'était le podcast des accros, le spécial de Sega Genesis. J'espère que vous avez apprécié ce podcast-ci. Entre-temps, la semaine prochaine, on se fait un spécial sur, je crois que c'était sur Sonic, ça se peut-tu? Alors, je vais regarder rapidement. Megaman, désolé, l'épisode de la semaine prochaine, c'est sur Megaman 2 sur NES. Alors, si vous... Les Megaman ou juste Megaman 2? Megaman 2. OK. Juste Megaman 2. OK. Fait que là-dessus, on va aujourd'hui en général de Megaman, mais on peut aujourd'hui Megaman 2 ou whatever. On regarde ça. Fait que là-dessus, c'était le Big Ben. C'était Antithèse. Intro Gamer PQ. Et c'est pour le podcast des accros. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine.